va parler de la Formule 1. C'est le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. On en parle avec notre ami Patrick Carpentier. Premier de 23 courses. Salut Patrick. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Patrick, dans un premier temps, écoute, là, on parlait de Mercedes et ainsi de suite. C'est une année où que Lewis Hamilton, cette année, va tenter d'imiter ou de battre Michael Schumacher avec 8 championnats. Par contre, Mercedes n'a pas eu des essais hivernaux tellement concluants. Est-ce que ça pourrait nuire? Oui, écoute, ça va être intéressant. Tu sais, il y avait plus de difficultés avec la voiture là, à s'adapter à la nouvelle réglementation, moins d'appui aérodynamique, évidemment, surtout au niveau du plancher à l'arrière. Puis on dirait que ça l'a avantagé Red Bull, qui ont plus d'inclinaison de brake, comme on appelle là, dans la voiture. Là, tu sais, l'arrière était toujours été plus élevé. Puis on dirait que ça les a moins affectés de ce côté-là. Mais écoute, en voyant le week-end avec la qualification, c'était quand même assez près. Il y a Verstappen qui a sorti un dernier tour canon. Mais écoute, je pense qu'on va avoir une saison vraiment intéressante de voir Ferrari plus proche, McLaren qui était là aussi, Pierre Gasly. Je pense que ça va jouer serré quelques circuits. Parce que Red Bull, avec Verstappen cette année, on a des grandes aspirations, hein? Oui, on veut vraiment aller chercher championnat du monde pour la dernière année de Honda. Il ne faut pas oublier qu'Honda quitte. Le moteur ne quitte pas parce qu'il va devenir partie intégrante de Red Bull. Je ne sais pas comment on va appeler le moteur Honda dans le futur, mais cette année, Honda a devancé de quelques années le développement du moteur justement pour essayer de tout donner pour aller chercher le championnat. Puis jusqu'à présent, écoute, 4e sans pôle pour Verstappen avec un taux canon à la fin, ça va être intéressant. Les essais hivernaux, on sait que c'est plus comme c'était, là. Parce qu'avant, on pouvait rouler tout le temps. Là, c'est maintenant sur 3 jours. Et évidemment, c'est pour limiter les coûts, donner plus de chance aux écuries plus faibles de compétitionner avec les grandes écuries. Quand tu manques des essais comme Mercedes, comme Aston Martin a manqué également cette année, est-ce que ça peut avoir des incidences sur la saison? Oui, ça peut avoir des incidences au début de la saison, mais je te dirais que ça peut plus avoir des incidences sur Bahreïn, le circuit en fin de semaine, parce que les essais ont eu lieu au même endroit que le circuit de Bahreïn, tandis que quand on va aller sur les autres circuits, personne va avoir roulé dessus. Fait qu'il n'y a plus personne vraiment qui va avoir un avantage. Fait que pour moi, oui, pour le week-end, ça va avoir une signification, mais sauf qu'après ce week-end, j'ai hâte de voir comment, justement, au niveau des chronos, puis comment les équipes vont se comporter, parce que ça ne veut pas dire que ce qui se passe en fin de semaine va être ce qui va se passer dans les autres week-ends. OK. Donc, évidemment, Hamilton, il est rendu quoi, 37, 38 ans, Lewis Hamilton? Est-ce que, donc, lui, lâche, ça ne peut pas avoir une grande influence? Non, parce que si tu regardes Fernando Alonso, qui est revenu avec Alpine, a hâte de qualifier son coéquipier qui est assez jeune aussi là au camp. Fait que Alonso a fait un bon travail. Écoute, top 10, la voiture semblait difficile à piloter tout au long du week-end pour lui. Ça, c'était une petite déception un peu du côté de Alpine, du côté de Racing Point qui est devenu Aston Martin aussi de ce côté-là. Week-end plus difficile, eux aussi ont eu de la difficulté pendant les essais, mais j'ai hâte de voir dans les autres week-ends ce que ça va donner. C'est comme je disais, j'ai pas l'impression que ce week-end va nécessairement être à l'image de ce qui va se passer plus tard. OK. Si on parlait un peu d'Aston Martin, écoute, Lance Stroll est qualifié 10e, Sébastien Vettel 18e aujourd'hui. Eux aussi n'ont pas connu de gros essais. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à eux cette année? À peu près quoi? Une équipe peut-être derrière Red Bull, derrière Mercedes, derrière également peut-être Ferrari? Écoute, si on s'y est l'an passé, je te dirais que Aston Martin, qui était Racing Point, ont débuté la saison beaucoup plus fort. La vitesse était beaucoup plus présente. Il y a eu quelques malchances, erreurs, tout ça, mais il était tout le temps sur la pince, les gars en avant. Sauf que cette année, plus difficile, je te dirais. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, que c'était un choix risqué d'aller chercher Sébastien Vettel parce que j'ai vu qu'il y avait un gros, gros manque de confiance du côté de Vettel l'an passé, chez Ferrari, surtout avec Leclerc. Puis dans ma tête, tu règles pas ça nécessairement en une course. Là, ça peut prendre un certain temps pour Vettel. Surtout que, en plus, Ferrari qui font bien. Là, Vettel qui a encore de la difficulté. C'est psychologiquement, c'est très, très, très difficile. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Puis définitivement, déception du côté de Aston Martin. On doit se gratter la tête un petit peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi, puis je sais pas pourquoi la guigne s'acharne sur Vettel. On a vu en pratique un morceau de la voiture s'est détaché. Il y a toutes sortes de problèmes mécaniques qu'il y a eu pendant les essais hivernaux. Fait que j'espère que la chance va tourner un peu, puis qu'ils vont pouvoir avoir un petit peu plus de vitesse. OK. Deux écuries qui ont un nom mythique, McLaren et Williams. Williams est de nouveau propriétaire. On a juste gardé le nom Williams parce que Frank Williams n'est plus du tout là. Claire Williams n'est plus là non plus. Est-ce que tu penses qu'il pourrait quitter les bas-fonds, cette écurie-là? Oui, je pense que oui, mais pas tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis comme Russell mentionnait, un des pilotes de Williams, qui est Russell Pilatifi. Écoute, il était incroyable. Il a réussi encore une fois à sortir de Q3 en qualification. Fascinant comment ce pilote-là est rapide. On l'a vu d'ailleurs quand il est tombé au volant de la Mercedes. Mais sauf que non, Williams ont beaucoup de travail à faire encore, beaucoup de changements qui sont à préfaire. Justement, ont engagé ces maisons, son nom de grand maison qui était celui qui s'occupait de Volkswagen dans le championnat du monde de rallye quand ils ont gagné 4 championnats du monde d'affilée. Écoute, c'est un homme brillant. Il n'est pas encore dans ses fonctions, mais va arriver. Fait que tu vois qu'ils font des changements au niveau du personnel, qu'on veut vraiment améliorer cette équipe-là. Puis je pense qu'ils vont le faire éventuellement, mais ça se fait pas comme ça. Surtout que de cette année à l'an passé, il n'y a pratiquement pas eu vraiment de changement de design au niveau des voitures. On est resté avec la même réglementation. Puis tout est en préparation de 2022 avec la nouvelle voiture. Puis c'est là que je pense que Williams va être une des équipes, d'ailleurs, comme Haas, qui a fait zéro développement sur cette voiture, mettre le paquet pour 2022. OK. Parle-moi de McLaren. Ben McLaren, écoute, toujours une équipe hyper compétitive. On réussit à aller chercher la troisième position au championnat l'an passé. À coiffer Racing Point, justement, de ce côté-là. Écoute, moi, je pense que Ricardo, qui est rendu chez McLaren, est une bonne addition. Il est vraiment incroyable. Norris, rapide aussi. Puis la voiture, cette année, petite adaptation. Je pensais qu'elle allait avoir plus d'adaptation parce qu'on a changé au niveau du moteur. On est rendu avec Mercedes. Donc, on a vraiment bien fait. J'ai été très impressionné parce que la force de McLaren, c'est que les deux voitures sont rapides. Les deux voitures sont dans le top 10. Les deux voitures sont toujours là. Beaucoup de parité entre les deux voitures. T'sais, le désavantage de Red Bull d'un côté, je te dirais, qu'on se retrouve encore dans la même situation que l'an passé, où ce que oui, Verstappen performe, il est en avant du peloton, mais whoop, Perez n'a pas réussi à faire le top 10 à qualif ce week-end. Fait que de ce côté-là, pour Red Bull, il faudrait vraiment qu'ils travaillent à aller chercher deux voitures qui sont en avant du peloton. Je sais que Perez est très rapide. Devrait facilement être en dedans de deux dixièmes ou trois de Verstappen. Fait qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais la force de McLaren, c'est celle-là. C'est que les deux voitures sont vraiment égales en avant. Je pense que ça va être intéressant. Bon, je veux te parler du Grand Prix. Après ça, je vais parler de Raphaël Lessard, mais du Grand Prix du Canada. J'écoutais hier François Dumontier qui était avec Mario Langlois hier. Ça regarde pas bien, hein? Ah, c'est que je trouve ça plate pour François puis pour le Grand Prix du Canada. Écoute, je comprends même pas qu'on laisserait échapper cette course-là encore cette année. C'est une course qui est hyper importante. Elle a toujours été pour la visibilité du Québec à travers la planète. Il n'y a rien au Québec qu'on fait qui donne cette visibilité-là aux touristes à travers la planète. T'sais, je ne sais pas s'ils le réalisent. Je comprends la situation, le COVID, mais tous les pays de la planète réussissent à faire une course. Fait qu'à un moment donné, faut être logique aussi. T'sais. Fait que ça, je suis grande déception. Je comprends pas. C'est incroyable. En tout cas, moi, je reviens toujours pas de voir que ça fait un an que le COVID existe. On dirait qu'on est comme en mars 2020. Là. On a beaucoup plus d'informations. On sait beaucoup plus comment se comporter, mais malheureusement, ils n'ont pas l'air à se comporter exactement comme ça. Patrick? Ben, écoute, Oui? Oui, exactement. Exactement, vas-y. Je veux te parler de Raphaël Lessard. Es-tu content? Il a fait deux, trois belles courses, mais depuis deux, trois courses, c'est plus beaucoup plus tranquille. Oui, plus difficile, Raphaël, beaucoup de pression. Écoute, on ne se le cachera pas. Au niveau du budget, il faut boucler l'année au niveau budgétaire. Ouais. Je ne suis pas certain qu'on ait le budget pour la saison complète. Pour ça, ça prend des performances. Fait que Raphaël est mis, placé dans une position très difficile. T'sais, surtout quand tu n'es pas américain dans une série comme le NASCAR, tu dois absolument performer exceptionnellement si tu veux survivre. T'sais. Puis malheureusement pour Raphaël, écoute, malchance, dernière épreuve, problème mécanique qui a débuté en début d'épreuve, ce qui lui a enlevé beaucoup de vitesse. Il pensait qu'il y avait peut-être une crevaison, il a arrêté dans l'une des puits. Finalement, on s'est rendu compte que c'était la boîte de vitesse plus tard dans l'épreuve. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des difficultés, des problèmes, puis il a comme pas le droit à l'erreur ou d'apprendre. Fait que dans cette position-là, ça devient extrêmement difficile de performer. Tu sais, j'espère que ce week-end va bien rouler sur la terre battue, une nouvelle expérience de son côté, de ce côté-là, mais évidemment, plus ça l'avance, c'est un cercle vicieux, plus la pression monte, plus je comprends, fait que c'est important. Ça serait tellement le fun qu'il y ait une belle performance. Est-ce qu'il est en terre battue? Oui, c'est sur la terre battue. Ouais, ce week-end à Bristol, c'est très rapide. Ouais, ça peut-tu lui nuire? Ben, ça peut-tu l'aider? Ça peut-tu... C'est la première fois qu'il est en terre battue? Ben, oui, c'est la première fois que tu es en terre battue, mais il s'est adapté hyper vite. Là. Écoute, il a été premier dans la première séance d'essai. Tu avais les Kevin Harvick, tous ces gars-là, mais il a fait son chrono tôt dans la période d'essai. Okay. Ce qui fait que le circuit était meilleur. Plus le circuit, plus on roule, plus le circuit ralentit, devient un peu plus puissant, si on veut. Fait que de ce côté-là, ça a bien été. Deuxième séance d'essai, ça a bien été aussi. Voir comment il va se comporter dans la course. Mais l'important, c'est de terminer l'épreuve. C'est vraiment de terminer sans anecdote, sans accrochage. Sans, même si tu finis sixième à ce stade-ci, il faut qu'il termine l'épreuve. T'sais, comme Charles Pennon m'avait dit à un moment donné, des gars qui terminent pas les épreuves, il y en a à tonnes sur la planète. Il faut que tu termines tes épreuves. Puis ça m'avait comme shaké puis réveillé un peu, tu sais. Fait qu'il faut qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir, même si c'est une position ou deux de moins, de commencer à vraiment tout terminer les épreuves sans accrochage, sans rien, sans difficultés mécaniques. OK. Pat, bonne saison de F1. On t'écoute ce soir sur les ondes de RDS Info et demain pour le premier Grand Prix du Bahreïn. Hey, super. Merci, on se reparle. Notre ami Patrick Carpentier.